Je ne sais pas son prénom, mais je sais qu'elle m'a dit non. Elle était sous le lilas de sa villa. Ce soir, comment te le dire? Bien sûr, tu vas me maudire, mais je l'aime et je t'aime quand même. J'ai le cœur trop grand. Dans toutes vos différences, il n'est qu'une ressemblance. C'est cet amour flou que j'ai pour vous. Oh, je t'aime. Oh, je l'aime. Et qui disent encore madame aux dames. J'ai le cœur trop grand pour moi, il bat trop fort pour moi. Oui, c'est ça. Et tes larmes me désarment, et je pars ce soir pour le hasard. Oh, je t'aime. Oh, je l'aime. Vous êtes la tourmente de mon âme. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.